Ok, c'est cool, ça vole, ça plane, c'est incroyable. On peut voyager dans le monde entier, tout près du paradis, c'est le paradis. En altitude, quelle plénitude, quelle belle invention technologique. Une révolution qui coûte du fric. Et comme le disent les statistiques, c'est plus dangereux en voiture. Comme tout le monde le dit souvent, l'avion reste le plus sûr. En effet, les crashs c'est rare, c'est pas souvent, comme on entend dire aux quatre vents. N'empêche que quand même, c'est pas fait pour assurer. Toutes ces images à la télé qui montrent cette triste réalité. Tous les ans c'est la même cérémonie, des crashs d'avion, des gens en confetti, et une minute de silence pour se donner bonne conscience. Merci monsieur les ingénieurs d'avoir fait pareil malheur. Wow. Wow. Pour moi c'est décidé, afin que je prenne l'avion, faudra me droguer, faudra me droguer. Et toujours au sol, je serai déjà en train de planer, en train de planer. Pour moi c'est décidé, afin que je prenne l'avion, faudra me droguer, faudra me droguer. Et toujours au sol, je serai déjà en train de planer, en train de...